Chapitre 11e. Comment Suzanne laissa tomber sa pantoufle. Vous pensez bien que Suzanne ne pouvait se consoler d'être loin de Robert. Pensait-il à sa voisine Suzanne? Elle n'osait vouloir qu'il vînt la rejoindre, car s'il lui arrivait malheur en route. Un jour qu'elle passait comme un nuage sur une grande forêt, elle vit tout à coup 8 cavaliers qui en poursuivaient un autre. C'était quelque prince égaré, en jugé par les ors éclatants de son costume et la fière beauté de son cheval bai. Suzanne jugea bien vite que les 8 cavaliers étaient des brigands qui voulaient assassiner l'homme au cheval bai. Ils ne pouvaient l'atteindre, quoiqu'ils éprenassent leurs chevaux jusqu'au sang. Ils rugissaient de rage. De minute en minute, l'homme poursuivi détournait la tête et semblait les braver. Mais par malheur, voilà que tout à coup son cheval heurte du pied contre une racine d'arbre et s'abat sur l'herbe. « Tout est perdu !» pensa Suzanne en pâlissant. Les 8 brigands se jetèrent sur l'homme au cheval bai et voulurent le frapper à la fois de 8 coups de coutelas. Il lutta héroïquement, sans vouloir demander grâce. Cependant, il allait périr sous la rage des brigands. Il se recommanda à Dieu et murmura le nom de sa mère et un autre nom. Suzanne écouta bien. Elle entendit son nom. Elle descendit à la hauteur de la cime des chênes et elle reconnut son ami Robert. « Robert » cria-t-elle. Robert leva les yeux et reconnut Suzanne. Il se croyait déjà mort et s'imaginait monter au ciel. « Suzanne, Suzanne » dit-il encore. La belle voyageuse descendit encore, l'imprudente, de quelques coudées. « Voilà du nouveau, » dit un des brigands. « Voyez-vous cette fée qui descendait nue comme une corneille ?»« Oui, » dit Suzanne, « je descends du ciel pour vous punir de tous vos crimes. »« Tremblez !» cria Rubicon. « Eh bien, descends un peu plus bas, » dit le brigand. Mais Robert supplia Suzanne de ne pas se souiller en s'approchant de pareils monstres. Il aimait mieux mourir. « Grâce pour lui, » dit Suzanne, « ou Dieu va le venger. » Mais les brigands ne croyaient ni à Dieu ni au diable. « Viens avec nous et nous t'accorderons sa grâce. » Et ce monstre tendait les bras à Suzanne. Un malheur n'arrive jamais seul. La pantoufle de Cendrillon s'échappa alors du pied de Suzanne et tomba sur le nez du chef de la bande. « Tiens, voilà qu'elle me jette des pierres. »« Des pierres précieuses ?» dit un de ses compagnons en voyant les diamants, les rubis et les saphirs de la pantoufle. « Je suis perdu, » pensa Suzanne. Et en effet, son carreau s'évanouit, les chats s'envolèrent sans elle, et son petit frère se trouva à terre avec elle sur son cheval de bois au milieu des brigands. Jamais cheval de bois n'avait fait une pareille mine. Rubicon n'était pas à la fête. « Messieurs les brigands, » dit-il d'une voix caressante, « si vous voulez sauver ma sœur Suzanne et mon ami Robert, je m'engage à prendre du service avec vous. »« Tu n'es pas dégoûté, » dit le chef des brigands. « As-tu fait de bonnes études ?» Comme Suzanne pleurait, agenouillée devant les coquins qui gardaient Robert. « Il me vient une idée, » dit le capitaine. « Ou cette jeune fille deviendra Madame Trompe-la-Mort, » c'était son nom, « ou je la condamne à tuer de sa main ce beau seigneur qu'elle protège. » Suzanne poussa un cri d'horreur. « Ma princesse, tu vas m'épouser. Jamais, même pour le sauver. Eh bien, voilà mon coutelas, frappe-le de ta blanche main. Frappe-moi toi-même, misérable. » Le capitaine traîna Suzanne au pied de Robert. « Frappe, te dis-je, ou je le fais mourir à petit feu. On va le tuer à coups d'épingle, il souffrira 1000 morts. » Robert implora Suzanne. « Suzanne, au nom de ma mère, donnez-moi la mort de votre douce main. Je mourrai en vous bénissant. De grâce, ne laissez pas ces monstres me toucher. » Eh bien, dit Suzanne, nous mourrons ensemble de la même mort, que la volonté de Dieu soit accomplie. Elle prit le coutelas et le leva sur le cœur de Robert. Trompe-la-Mort regardait en ricanant. Mais Rubicon n'était pas venu au monde pour rien. Il n'était pas si bête que son maître d'école. Il avait compris que s'il était tombé à terre comme un gland du haut d'un chêne avec son pauvre cheval de bois qui s'était cassé une jambe, c'était parce que la pantoufle de Cendrillon s'était détachée du pied de sa sœur. Aussi, tout épouvanté qu'il fût, il ne perdait pas de vue la pantoufle. « Ah, monseigneur, » dit-il au capitaine, « Si vous saviez comme ma sœur a un joli pied, vous ne la feriez pas mourir. Hein? Ta sœur a un joli pied, voyons cela. » Il détourna le coutelas qui allait frapper Robert et renversa Suzanne sur le gazon pour s'assurer qu'elle avait un joli pied. « C'est la vérité, » dit-il, « et je ne m'étonne plus qu'elle ait chaussé cette pantoufle. » Trompe-la-Mort, par manière de galanterie, mit gracieusement avec ses mains rudes la pantoufle au pied de Suzanne. À cet instant, il fut renversé comme par la foudre. Les autres brigands furent soudainement frappés d'immobilité comme des statues de pierre. Robert se retrouva libre et Rubicon se mit à danser. « Que veut dire ceci ? » dit le capitaine. « Ceci veut dire, s'écria Suzanne, joyeuse, que j'ai recouvré ma puissance en reprenant ma pantoufle, et que je vais me venger cruellement de toi et de toute ta bande. » Trompe-la-Mort à son tour demanda grâce. Suzanne n'était pas cruelle. Elle se contenta de condamner les 8 brigands à rester 1 an et 1 jour dans l'immobilité de pierre où ils étaient. Rubicon, qui voulait se venger aussi, mit un escargot sur le nez du capitaine, et prit à Suzanne d'ordonner que le colimaçon ne changeât pas de trône pendant les 4 saisons. Au même instant, par la volonté de Suzanne, Rubicon vit paraître sur le nez de tous les brigands des crapauds, des vipères, des chauves-souris. « Ce sont des grains de beauté, » dit Rubicon, qui n'était pas si railleur quelques minutes auparavant. Cependant, Suzanne redemandait son char de fleurs. Une multitude de génies et de fées vinrent avec des tulipes pour lui faire un carrosse d'un autre genre. Elle enleva Robert. Rubicon raccommoda la jambe de son cheval de bois et les escorta en chantant. « Et où alliez-vous donc ainsi ?» demanda Suzanne au prince. « Où j'allais ? Vous ne l'avez donc pas deviné ? Depuis votre départ, je mourais de chagrin. Je courais le monde pour vous retrouver. J'avais emporté beaucoup d'or. Voilà pourquoi ces brigands m'ont poursuivi dans la forêt. Mais Dieu soit loué, grâce à vous, ils ne feront plus de mal pendant 1 an et 1 jour. La clémence est la vertu des grandes âmes, mais on verra que les brigands ne seront pas meilleurs dans 1 an et 1 jour. » Suzanne n'avait qu'un jour de féerie. Quand elle vit le soleil sur le point de se coucher, elle eut peur de cette solitude immense qui saisit tous ceux qui vont par mont et par veau sans jamais s'arrêter. Elle se rappela ses belles paroles. « Ne vaut-il pas mieux faire le tour de sa maison que le tour du monde ?»« C'est tout aussi long et bien plus amusant, car dans la maison tout y parle des choses du cœur, depuis le buis béni du dimanche des rameaux jusqu'à l'escabeau où s'est assise la grand-maman. » Elle posait alors son pied rose et sa pantoufle bleue sur les vagues de la mer du Nord. « Ah, ma maisonnette couverte de pampres, quand te reverrai-je » dit-elle, déjà toute dégoûtée des voyages. Au même instant, elle se retrouva sur le seuil de sa porte. « Dans 1 an, » dit-elle à Robert, « je ne serai pas si bête que de m'en aller si loin. Dans 1 an, je ne perdrai pas ma journée. »